Ne t'inquiète pas, ça vient d'arriver. Il a envoyé déjà l'argent sur un compte de ma femme. Donc le matin, on va aller chercher. Il a la banque à la garantie. Il a la main là. Oh.

Combien de formes de l'âme tu peux te dire dans le péché de Dieu? Nous demandons pardon, Père, toutes fois nous avons touché à la parole, nous demandons pardon. Toutes fois nous avons eu des pensées inverses, toutes fois nous avons eu des pensées par rapport à notre Seigneur, par rapport à nous, nous demandons pardon pour cela, Père. Maintenant, nous demandons pardon à toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu pries afin que tu manifestes ta force de ta vie. Que nous avons la grâce de marcher, de venir vivre de servir, Père. De venir vivre de servir, Père. Nous venons te demander pardon pour moi, pour tout ce que nous commettons à ton égard. Tout ce que nous commettons à ton égard, Père, ça fait force à toi, Père, pour moi. Nous voulons, oh Dieu, nous voulons te demander pardon, Père. Tout ce que nous pouvons bénir, oh Dieu, tout ce que nous pensons, oh Dieu, nous pensons que nous ne pouvons même pas maîtriser, nous pensons, oh Dieu, nous ne pouvons pas contrôler. Qui nous amène à pécher, à pécher avec notre façon de nous demander pardon, Père, pour ce que pardon, nous devons notre indifférence, pardon pour notre négligence, Père, pardon pour ce que tes lois se sont compliquées, pardon pour ce que tes ordonnances sont relâchées à toi, notre gars, pour que nous ne prenons pas force de Seigneur. Nous demandons pardon parce que lorsque ta parole sort, il vient juste. Nous prenons pas la peine de méditer pour comprendre où c'est quoi ce que je voulais transmettre comme message. Nous te demandons pardon, Père, pour cette négligence. Pardon pour cette négligence de Jésus. Pardon pour notre indifférence, Père. Pardon, au Dieu de gloire, nous voyons où nous sommes dans la peine. De ce que nous voyons faire, au Dieu de gloire, avec le Jésus, Père, nous fermons les portes à ce frère-là. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été indifférents, Père. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous avons été indifférents. Nous te supplions, Père. Nous n'avons pas total contre nos pères, afin que nous puissions exercer encore au Dieu de gloire l'amour comme toi tu veux, que nous puissions marcher dans la sincérité, marcher dans l'amour sincère, dans l'amour véritable. Te demandons pardon, tu vois, tout ce que nous commettons au Dieu de gloire. Tout ce que nous commettons, tu ne nous pas, te demandons pardon, Père. Pardon, tu vois, pardon, Père, pardon, Père, pardon, Père. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen, les frères. Amen. Nous savons que nous devons lever les voix encore, parce que nous savons que le Dieu qui nous a entendu, c'est Dieu Seigneur. C'est tout ce qui est pour nous amener, c'est le temps que nous avons entendu, à faire dans le plein de notre temps. Nous devons lever les voix pour demander pardon au Seigneur, parce que nous savons que nous avons entendu, parce que nous savons que nous savons en fait que nous devons demander pardon. Je prends le vidéo pour que nous nous puissions nous donner ce que nous dirigeons pour que nous puissions nous donner. Je vais le faire. Et nous avons aussi dans les enseignements comment nous disons. Nous devons prier afin que le Seigneur puisse étendre sa main dans la nation pour empêcher toute manipulation de conscience des citoyens. Tout cela qui pourrait, qui dont les consciences pourraient être manipulées par les ennemis pour s'exciter à la colère. Amen. Et poser des dégâts que nous pouvons voir. Nous allons prier que le Seigneur vienne pour empêcher toutes les manipulations de conscience. Et qui soumettent les consciences de tous les Camerounais à sa Seigneurie. Amen. Et nous te supplions au nom de Dieu, grâce. Nous avons touché le cœur qui a été continuons à prier pour tous les cœurs qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre, que le Seigneur restaure ce cœur. Amen. Père de grâce, nous continuons à aider pour l'avoir avancé à te soutenir en terre, afin, Seigneur, au nom du combat, nous restons, Seigneur, des cœurs, Seigneur, au nom du combat, qui ont été meurtris, au nom du combat, d'une manière, continuons, Seigneur, à te soutenir, que tu supportes la restauration dans ces cœurs, afin que tu étends, Seigneur, pour la restauration à l'honneur de chacun de nos enfants, au nom du combat, afin que tu aies envie, ceux qui se sont sentis blessés, au nom du combat, dans ces ressources, au nom du combat, à ces gestes du combat, de les restaure, quand j'appelle ce que j'appelle par haut lieu, c'est, n'est-ce pas, les hôtels sataniques dans cette nation, partout là où ils ont construit, n'est-ce pas, les hôtels sataniques dans cette nation. Nous allons prier que la main de l'Éternel puisse, n'est-ce pas, anéantir et détruire ce lieu. Si nous croyons que cela est possible, cela sera fait. Amen. Élevons la voix, bien-aimée. Père de grâce, nous lui sommes et nous la voix, Seigneur, pour notre nation, afin que ce lien pour nous, Dieu, mon roi, soit au Seigneur des temps de ta main, de puissance dans cette nation, pour détruire, Seigneur, ces hôtels sataniques, toi qui se parles de tout. Sur les collines, sur les monts, au mon Dieu, mon roi, dans les hôtels, au Père de grâce, dans l'Europe, mon Dieu, dans le Sacro, les carrefours, dans les hôtels, au mon Dieu, des affaires, à Moloch, à Bali, au mon Dieu, mon roi, comme dans le Seigneur, comme dans le Sacro, au mon Dieu, mon roi, détruis ces choses, au mon Dieu, mon roi, détruis ces choses qui attirent ta colère, détruis ces choses, au mon Dieu, mon roi, afin que ce soit. Ils ont au nom puissant de Jésus. Nous t'en supplions pour que la grâce, nous t'en supplions pour que le fasse. Accomplis, Seigneur, au mon Dieu, mon roi, pour t'accorder partout pour cette nation. Par autant, Seigneur, du méchant, du chien, du commence au nom puissant de Jésus. Autant, Seigneur, au mon Dieu, mon roi. C'est mal la confusion, c'est dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Alors nous t'en souviens. Oh, glorifierons ton Saint. Et laissez-nous que le nom de la foi de Marie. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dans la sainteté et dans la marche chrétienne, tout obstacle qui va faire la marche sera ôté en ce jour. Amen. Père de grâce, Père de notre grâce, nous savons que Seigneur, que les chiens et les genoux de nos cœurs sont devant toi, Seigneur, au roi du monde. Absolument, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, tu ôter, Seigneur, toute embûche au-devant de nous, Seigneur, que tu nous empêches, ô mon Dieu, de pouvoir avancer dans la sainteté au-devant de toi, de m'attacher, de vivre dans la sainteté au roi du monde, ô de pouvoir confier ton Saint au roi du monde, dans ce monde pervers, ô mon Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Veuillez vous asseoir en partage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que notre Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse. Quoi que tu fermes les ventes là. Vous allez bien? Bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ça va? Ça va. Tu pèses, toi tu pèses trop pour la chaise là, il faut que quelqu'un qui soit léger, que le frère, a, le frère, oui, toi assieds-toi ici parce que ça, ça va glisser là. Oui, c'est bon. Vous allez bien, n'est-ce pas frère? Amen. Je suis à votre service maintenant. Posez les questions que vous avez, n'importe quelle question que vous avez avant qu'on commence. J'espère que les téléphones sont fermés. J'espère que les téléphones sont fermés pour qu'on ne commence pas à travailler et que ça dérange. Pour vous poser les questions que vous avez, oui mon cher. À haute voix. Quand tu vas voir la bouille, là, tu vas questions. Oui. Bien, selon la thème, j'aimerais savoir l'explication de engendrer et fils. Engendrer un fils. Engendrer, fils. Premièrement, et fils. Mmh. Engendrer, ça veut dire que donner vie. D'accord. Engendrer. On dit Abraham engendra Isaac. Et c'est un homme qui engendre, d'accord. Dieu engendre parce qu'il est père. Et, le, et les hommes aussi engendrent. D'accord? Fils, donc, c'est le mâle. C'est-à-dire le sexe masculin. C'est compris, garçon? Tu as des, gros questions, des grosses questions. Hein? Oui, là-bas. Oui, frère, ma question se trouve dans Luc chapitre 3, le verset 10 et 14. Oui. Oui, frère.